Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, Punk, Génération, No Future, une série d'Alain Lefkovitch réalisée par Assia Khalid. Au départ de cette série, il y a des souvenirs d'adolescence et d'ennui dans les années 70 et l'espoir de voir quelque chose céder ou au moins juste se passer. Et il y a le courant d'air fabuleux qu'ont été les riffs de guitare saturés et les voix cassées. Et puis cette question, et si le punk n'était pas mort ? Alors pour commencer, les personnages. Des universitaires spécialistes du punk, des punks bretons au vert, des jeunes néo-punks de village, une historienne musicologue, une ex-punk américaine qui faisait des gâteaux, une chercheuse qui explore les Riot Girls et une punk féministe qui ne lâchera pas. Ensuite, le décor. Des ZAD, la débrouille, l'autonomie, le féminisme, l'anarchisme, des groupes qui se reforment, le véganisme, des crèches alternatives, des squats, un désir de politique, un retour à la terre, la frugalité, la sobriété et l'ironie, des pogos intenables, Olympia, des fanzines et des révolutions individuelles. Aujourd'hui, 4e épisode, on cherche une définition. Qu'est-ce qu'est le punk ? J'en sais rien, en tout cas... C'est croire en ses idées, c'est les chanter sur scène et les partager. Arnaud Futur. Et ne pas penser faire carrière, mais transmettre un message. Monter sur scène, faire du bruit et pas tout seul. La chose qui nous tient à cœur, c'est d'arriver à définir ce qu'est le punk. Solveig. Ce qu'on sait, c'est que c'est un objet extrêmement mouvant, avec des guerres de mémoire très très fortes entre le punk, ça s'arrête en 84. On ne sait pas pourquoi, mais le type qui dit, il en est convaincu. Du coup, 85, pour lui, c'est pas punk. Celui qui dit, le punk, c'est 77, après, il n'y a plus rien. Donc, il y a vraiment toute une nébuleuse. On espère arriver à y voir plus clair, sachant que pour que ça soit clair, ici, dans ce séminaire, on a entendu comme punk tous les processus d'autodésignation. Quand un acteur nous dit « j'ai été punk » ou « je le suis encore », pour nous, on considère qu'il est punk. En fait, les femmes Jacques Soulier se sont assez peu illustrées à travers la mode punk, puisque pas grand-chose n'était fait pour elles, à part les jupes rouges et noires, les cols en trouées, c'était pas très excitant, quoi. Au départ, le punk aurait pu rester un mouvement machiste dans lequel les femmes n'avaient pas de rôle. Et en fait, elles sont venues, elles se sont exprimées, elles sont arrivées, elles l'ont investi, ce mouvement-là, pour pouvoir elles-mêmes et ne pas dépendre des hommes, quoi. Et j'en ai vu arriver sur scène dans les années 90, notamment avec le mouvement Riot Girls. Pour moi, l'expression du rock'n'roll la plus ultime, elle est féminine. Punk, Génération No Future, néo-punk et féministe, par Assia Khalid et Alain Lefkovitch. Le mouvement punk fête ses 40 ans. Les mauvaises langues diront qu'il est moribond, agonisant sous le poids de ses contradictions. Pour d'autres, il a été muséifié comme fin 2013, lorsque la Cité de la Musique inaugurait son exposition Europunk. J'y avais traîné mon aîné pour son tout premier concert, Jello Biafra et les Dead Kennedys. Elle m'en veut encore. Les plus incisifs diront enfin qu'il a disparu. Il ne serait que la bande sonore de la jeunesse révoltée des 70s. Pire, la contre-culture punk se serait tellement intégrée au capitalisme que son état d'esprit jeune et rebelle serait même devenu le moteur des nouvelles formes de management dont Mathieu Pigas serait l'incarnation. Peut-on être punk en travaillant pour un patron qu'on ne supporte pas sans se rebeller ou encore en surfant en 4G sur le dernier modèle de téléphone siglé de la pomme ? Comme le dit le sociologue Fabien Hein, être punk, ça se vit, concrètement, sans différer, sans l'aval de quiconque, par l'engagement et par l'action, avec l'autonomie et l'indépendance pour horizon, l'émancipation pour élan, l'autodétermination pour tout bagage. Sans état et sans capital, la culture punk se construit de manière radicalement autonome. Ainsi, les punks auraient su détecter et s'approprier avant l'heure de nouvelles formes de résistance à l'ordre néolibéral, à travers les nouvelles formes de contestation. Le cri de ralliement lui reste le même, « Punk is not dead », titre éponyme donné au programme de recherche interdisciplinaire, composé de chercheurs et d'acteurs de la scène, dont l'objectif est de faire du punk un terrain de recherche universitaire, un nouveau prisme de lecture et de compréhension de notre société contemporaine, à travers ses marges, ses zones, ses ZAD et les dynamiques de résistance qui la structurent. « Ouais, être punk, c'est d'abord apprendre à penser par toi-même, être quand même lié à un état d'esprit libertaire, contestataire, non autoritaire, être quand même lié à cette musique et à cette la rage, la contestation qu'il peut y avoir à travers cette musique et cet état d'esprit. En fait, ça veut dire plein de choses. J'ai toujours du mal à le définir, le mot punk. Guédin et Manu, animateurs de la scène punk bretonne. S'auto-former, apprendre par soi-même les choses, essayer de... Enfin, pour moi, c'est ça être punk, quoi. C'est être autodidacte un peu. Et c'est d'un truc vachement individualiste, peut-être. Ça devient un truc collectif après, quoi. Parce qu'on rencontre les gens et on commence à faire des choses ensemble, quoi. Ça va bien au-delà d'un mouvement ou d'un style vestimentaire. Et puis être punk en Occident, en France, aux États-Unis, mais ou être punk en Indonésie, ou être punk en Asie, ou être punk en Algérie, je pense au Demoratia, où là ça a une autre implication, être punk au Maroc, je pense que les gens peuvent commencer à leur approprier dans leur culture, mais comme un truc progressiste et contestataire. Pour moi, être punk, c'est juste pas, aussi pas être un connard avec les autres, quoi, essayer de... d'avoir des bons rapports avec les gens, essayer de ne pas avoir de rapport de domination aux autres aussi. Ça, c'est, pour moi, c'est vachement lié au punk, parce que c'est le punk qui m'a fait prendre conscience de ça. Pas agir comme un débile dans tes relations sociales ou tes relations de couple avec quelqu'un. Il y a beaucoup de textes de ce mouvement-là qui parlent de ça et qui m'ont amené vers ça, à réfléchir à la manière dont je conçois les choses dans ma relation amoureuse, de comment aimer ma relation aux autres, quoi. Moi, ça serait ça, être punk, quoi. Essayer de pas être un con avec les autres, quoi. C'est juste d'être une personne chouette, quoi. je trouve important quand même de souligner que le mouvement punk, bon, on peut en penser ce qu'on veut, mais c'est quand même un mouvement qui réfléchit beaucoup sur lui-même, comme le milieu anarchiste en général. Et le mouvement punk, à travers les fanzines, dès le début, il y avait, en plus des interviews de groupe, il y avait toujours des textes de fond, de réflexion sur nos attitudes, nos comportements, sur si on s'oppose au machisme, au patriarcat, ben ça induit d'avoir de réfléchir sur tous les comportements, domination, et en fait ça induit sur tous les comportements en général. C'est comme un mouvement qui, par exemple, a mis vachement en avant la question de féminisme. Alors ça veut pas dire que tous les punks sont féministes, loin de là. Ça veut même parmi les gens qui se revendiquent. Mais il y a quand même cette volonté de poser des choses, au moins antisexistes, antiracistes, contre l'homophobie, contre le capitalisme. Et je trouve que c'est intéressant, c'est un mouvement qui réfléchit, et je trouve ça plutôt pas mal, quoi. Hein. C'est essayer de réfléchir à tout ça sans trop se croire au-dessus de la mêlée aussi, je pense, et pas se prendre trop au sérieux non plus. Et je pense, pour donner envie aux gens de réfléchir à tous ces thèmes-là, faut pas trop arriver en mode... militant à l'ancienne, je vais vous apprendre, vous la masse prolétaire, ce qu'il faut faire, quoi. Et... bah, souvent d'ailleurs, il y a un peu ce côté, hein, quand on parle d'anarcho-punk, qui est une synthèse entre le punk et l'anarchiste, c'est d'un côté, souvent, pour les anars classiques ou les mouvements autonomes, on est trop punk, et pour les punks, on est trop anarchiste. Bah ouais, on est anarcho-punk, on est à la fois anarchiste, mais aussi on pense par nous-mêmes, on n'a pas de maître et pas de chef, et puis on n'est pas tous des clones, on a des valeurs communes, on porte des choses communes, mais on n'est pas des clones, on est aussi libre de penser par nous-mêmes, d'avoir nos différences et les dogmes, les églises, les trucs figés, fermés, où les gens confondent des fois radicalité avec sectarisme et fermeture d'esprit pour refaire un truc, une espèce de chape de plomb. Ben non, en tant que punk, on dit fuck off tout ça, quoi. Alors aujourd'hui, on en est où? On est à la troisième, quatrième génération, et que sont-ils devenus ceux de la première et de la deuxième? À la fois, on voit... Luc Robin. Et c'est un phénomène très particulier, des groupes de première génération se reformer. Il faut quand même se rappeler que même les Sex Pistols se sont reformés à un moment donné, et que ça pose question d'ailleurs, parce qu'on peut interroger les raisons qui font qu'un groupe comme les Sex Pistols, emblématiques, se reforment, et le rapport au fric, le rapport à la, voilà, au besoin d'engranger à un moment donné, de, en quelque sorte, de capitaliser sur un parcours. Est-ce que c'est la seule raison? Probablement pas, mais enfin, la question est posée. Alors, parmi les nouvelles tendances, à la fois, il y a une radicalisation de certains segments, hein, on peut penser à tout ce qu'a pu porter le straight edge, par exemple, ou vegan, etc. À la fois, il y a des nouveaux thèmes qui apparaissent, alors, on peut penser à des textes plus écologiques, plus voilà, ce qui est quand même une révolution en soi. Quand on pense à ce que portaient les premiers punks, qui parlaient de bitume, de plastique, etc. Là, aujourd'hui, on parle de petits pois et voilà, et de verdure. Même Vivienne Westwood porte un discours écolo sur la forêt amazonienne, etc. Donc, on voit que ça concerne aussi les anciens. On voit que, au fond, le punk, il est aussi traversé par des questions d'actualité et qu'il se nourrit aussi des problèmes qui sont ceux de son temps. Alors maintenant, il y a aussi des groupes de petits jeunes et qui continuent, qui réalimentent en permanence ce que peut être le punk, qui réinventent ce que peut être le punk, et avec une reconnaissance des jeunes générations de ce qu'ont fait les anciens. Généralement, les jeunes ont une culture absolument incroyable du mouvement. Ce qu'on entend dire, c'est il n'y a plus de punk en France, ça s'est arrêté. Solveig Sarr. Non, il y a une vraie scène de jeunes gens, alors peut-être très underground, sûrement aussi très militante, voire radicalisée, mais dans, par exemple, la création de crèches sur les lieux alternatifs où ils sont, les cantines véganes où il y a participation libre mais nécessaire. Moi, ça m'a toujours beaucoup amusé de voir que dans des squats parisiens, on mangeait extrêmement bien, extrêmement sain. C'est une espèce de, on a des chaussures en cuir végétal pour pas faire mal aux animaux. Mais c'est une scène qui est assez soudée, qui il y a plein de concerts à Paris. Par contre, je pense que la clé d'accès est beaucoup plus difficile parce qu'ils sont très underground. Mais c'est des gens qui se définissent comme étant parfaitement punk. Par rapport aux années 80 où justement les quepons, on les voyait surtout dans les villes. Bon, après les villes et villages, hein, je veux dire, il y avait dans les grandes villes comme Rennes, il y avait à Saint-Brieuc, il y avait à Guingamp, mais moi je viens d'un petit village à Baie-Lanterre où il y avait une bande de quepons et c'est comme ça que je m'y suis mis au milieu des années 80, enfin que j'ai commencé à écouter ça. Et c'était surtout le côté anticonformiste, un peu contestataire, il y avait un peu d'idées, mais c'était pas comme c'est devenu après, quoi. Et puis rapidement, eux, ils ont un peu changé aussi, ils ont commencé à écouter une musique plus rapide, plus extrême. Du coup, moi j'ai suivi. Crasse, Conflict, les fanzines, les labels, l'investissement dans des groupes politiques comme le Scalp. Et en fait, tout ça, ça a été de la politisation. Et c'est vrai que ça se passait beaucoup dans les villes. Et il y a eu un phénomène, il y a eu quand même pas mal de choses qui se sont passées à partir du milieu des années 90, où je vois les jeux, notamment avec La Valette, où plein de gens commençaient à vouloir aller à la campagne. Et c'est plaisant pour les gens de la ville de pouvoir aller à la campagne. Et c'était plaisant pour les gens de la campagne de pouvoir revenir en ville, d'avoir des squats aussi en ville, où il y a des potes qui squattent ou qui sont en coloc, qui sont en collectif quelque part. Il y a toujours eu ces allers-retours. Bon, moi, c'est vrai que le punk ou l'anarcho-punk, je le vois un peu comme l'aspect culturel de l'autonomie. Mais l'autonomie, c'est aussi l'autonomie alimentaire, c'est aussi l'autonomie matérielle, c'est aussi l'autonomie sur pas mal de choses, en fait, où on peut construire, produire, s'organiser autrement, réfléchir autrement, des bases aussi de retrait où des gens peuvent se poser. Et puis un habitat, il peut être vécu, tu peux vivre à plusieurs endroits en même temps. Il y a toujours eu cette idée-là, en fait, où on n'est pas forcément fixe, on peut être mobile. Moi, il y a quand même pas mal de gens qui sont venus habiter ici, qui ont passé ici. Et moi, j'ai passé du temps, mais je ne sais pas combien d'endroits dans ma vie, et pas que en France, quoi. Ça enferme, la ville? Ouais, c'est sûr. Je pense y a un côté dur de toucher les gens aussi, dur de créer du lien social. Parce que la politique, je la vois aussi en termes de communauté. Et de pouvoir établir une communauté d'idées avec des voisins, c'est déjà énorme, en fait. Pour moi, faut pas qu'il y ait une rupture totale avec la ville, quoi. Enfin, j'aime être à la campagne, mais si on n'a aucun lien avec la ville, pour moi, ça mène à rien, parce que c'est là que sont les gens aussi, en fait. C'est là qu'il y a les masses de gens. Et c'est pour ça qu'on a des liens avec les gens qui font des choses politiques, anarchistes ou quoi, à Brest. C'est, si on n'a plus de lien avec eux, on ne fait plus que de la politique pour 150 personnes. Et moi, j'y vois pas d'intérêt. Enfin, dans le fond, on est quand même révolutionnaire. On voudrait une révolution, même si j'y crois plus beaucoup. Et pour moi, c'est dans les choses qu'on fait au quotidien qu'on y arrive. Mais si on s'écarte totalement de la ville, ça mène à rien, en fait. We'll be right back. scène universelle, ce qu'on réussit, c'est pas forcément ceux qui ont atteint une notoriété, c'est ceux qui ont plutôt maintenu une intégrité, sociologue. De groupes qui ont porté des valeurs politiques jusqu'au bout. Et effectivement, quand on voit que le débat se concentre souvent sur la question de l'importance de la musique, dans la scène universelle, la musique est quelque part quasiment secondaire. Donc du coup, ça va plutôt être les valeurs défendues qui vont permettre d'incarner quelque part la reconnaissance du public ou des groupes de la communauté sur elle-même, quoi, cette réflexivité de la communauté. Alors c'est quoi ces valeurs? Est-ce qu'on peut les définir? Les valeurs de la communauté Punk Do It Yourself, ça sera effectivement l'anticapitalisme, le féminisme, l'anti-homophobie, l'antiracisme bien évidemment, de manière générale l'antifascisme, mais aussi de plus en plus la critique contre la transphobie ou la critique pro-queer. Le Do It Yourself naît sur une critique du capitalisme et une volonté d'autonomie, d'autonomisation des acteurs. La pratique Do It Yourself est guidée par ces valeurs politiques, c'est-à-dire comme une volonté d'autonomie. C'est-à-dire d'organiser à la fois la création de la musique indépendamment de tout rapport d'exploitation ou d'aliénation salariale, le refus de la professionnalisation, de l'encadrement légal de la musique, et cette idée de non-profit, c'est-à-dire non pas qu'il n'y ait pas de bénéfice, mais que le bénéfice ne se transforme pas en profit, c'est-à-dire ne se transforme pas en plus-value, qui soit en fait directement réinvesti dans la vie même de cette communauté sous différentes formes, ou que ces bénéfices soient réinvestis dans des luttes sociales par le biais des caisses de solidarité, etc. Alors après, ces lieux-là, effectivement, s'appuient sur des espaces dont on a parlé tout à l'heure, les communautés narco-punk, par exemple, en sont, les squats en sont d'autres, quelques cafés-concerts, des friches, etc. Et toutes ces choses-là, en fait, favorisent une matrice de l'autonomie politique qui s'expérimente dans le punk DIY choisi depuis 40 ans. Pour moi, les groupes sont la bande-son de la révolution et des gens qui accompagnent les luttes sociales. Souvent, les groupes punk accompagnent les luttes sociales. Ils sont prêts à jouer gratos, à venir, à se déplacer, à venir en soutien dans plein de squats et dans plein de trucs associatifs. C'est les punks qui viennent jouer avec eux. Mais ce qui est intéressant, c'est tous les actes qui ont été mis en place et toutes les pratiques. Et ça a influencé largement, largement en dehors du punk. Dans l'anarcho-punk, dans les textes, en tout cas de certains textes de Crass, on retrouve le véganisme, la lutte pour le droit des animaux, la lutte contre le gaspillage, la lutte contre le capitalisme. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous vous sentez responsable de mettre tous ces textes en pratique? On essaye, mais en vrai, je pense qu'on est tous et toutes... plein de contradictions. Moi par exemple, sur la lutte pour le droit des animaux, moi je suis juste végétarien et des fois ça me pose question. Après j'essaye de pas trop me prendre la tête, c'est bien aussi de temps en temps de pas trop se prendre la tête. Je suis devenu végétarien en écoutant des groupes punk anglais, comme Crass, Subhumans, Flux of Pink Indians et Conflict. Ce qui m'a marqué en fait, par exemple, c'était plus Conflict. Ils ont un album, qui s'appelle To a Nation of Animal Lovers. Moi, ça révèle vraiment l'hypocrisie en fait, de l'humain, en fait, de se dire on aime les animaux, genre les chiens, les chats, et moi, j'ai toujours vécu avec des animaux à la campagne, quoi. Pourquoi je les mettrais sur un piédestal? Et pourquoi le cochon ou la vache, des animaux avec lesquels j'ai vécu aussi, parce que j'ai pas mal bossé à la ferme quand j'étais petit, et... Voilà, j'ai pratiqué aussi l'agriculture, quoi. J'ai mis des poulets dans des casiers, je sais ce que c'est comme merde, quoi. Pourquoi, on en mettrait certains sur un piédestal et d'autres non? Et moi, c'est vraiment la décision, c'est par rapport à ce fait-là, quoi, et cette hypocrisie-là, que je me suis dit, ça n'a pas de sens, en fait. Enfin, autant être végétarien, quoi, ça n'a pas de sens d'en tuer certains et d'en laisser la vie aux autres, quoi. Et moi, c'est vraiment ça, et le fait de combattre l'agroalimentaire se gère d'un coin, le Centre-Bretagne, mais c'est des villages qui vivent pas mal sur l'agroalimentaire, et souvent la porte de sortie sur le marché de l'emploi, c'est d'aller à l'abattoir du coin. Et je vois comment ces abattoirs-là détruisent aussi les humains, quoi. Comment les gens, tu les retrouves au bar, après, tu vois que c'est des gens qui sont abîmés par la vie, quoi. Et c'est autant par empathie avec les animaux qu'avec les humains qui bossent dans cette industrie-là que moi je suis devenu végétarien. Géant Vert, parolier de Parabellum, écrivain, journaliste et critique rock. On responsabilise le punk moyen qui vit dans des conditions de merde, qui vit sa vie de prolétaire de merde, dans des conditions de merde, alors qu'il boit de la bière, qu'il sniffe de la colle, parce que c'est ce qu'il peut avoir. Bon, qui considère que le chômage, le chômage qu'on lui donne, de toute façon, fait pas grand chose avec. C'est une grosse vie de merde. Heureusement, il y a les concerts. Et là, il y a des groupes qui débarquent en disant maintenant, il va falloir être punk et responsable. Il va falloir surveiller son alimentation. Va falloir être un ami des animaux. Va falloir voter. Parce que le droit de vote, tout ça, il y a des gens qui sont morts pour avoir le droit de vote. Alors le mec, il vient au concert, il se fait culpabiliser. Est-ce que ça leur a changé la vie à tous ces mecs là d'aller voter, d'aller de manger des steaks de soja, du tofu Non. Le punk au départ est vraiment très très drôle parce que c'est marrant. Manu Eguena, animateur de la scène punk bretonne. Ça a été beaucoup porté par les anarcho-punks, le véganisme et les mouvements écolos. Mais aujourd'hui, c'est vachement sorti des milieux anarcho-punks et squat. D'ailleurs, même, il y a plein de camarades dans les milieux squat ou anarcho-punks qui sont plus végétariens. Ouais, alors qu'avant, c'était au milieu des années 90, et on est 95%. Hein, t'étais regardé de travers si t'étais pas végétarien ou végan. Pour moi, le souci qu'on a en France avec le mouvement de droit des animaux ou de libération animale, c'est que à 90%, il est dénué de discours politique. C'est un style de vie en fait d'être végane et ou d'être végétarien, et pour moi ça c'est juste de la merde quoi. En fait, quand on voit le mouvement anglais ALF, Animal Liberation Front, quand on voit les hunt saboteurs qui vont saboter la chasse, ça me parle quoi. C'est politique quoi. Et c'est pas dénuer le végétarisme et le véganisme de tout lien politique C'est parler du lien que ça a avec le système capitaliste, en fait. Et si on veut abolir l'industrie de la viande, on veut aussi détruire le sexisme, on veut aussi détruire le patriarcat, on veut aussi de l'écologie, on veut qu'il n'y ait plus de fascistes, enfin voilà, quoi. Pour moi, tout est lié, et en France, on manque de ça, quoi. On manque d'assauts ou de collectifs qui portent ces luttes-là, qui soient politiques, quoi. Ça en vient à tellement être apolitique que à des trucs comme la Fondation Bardot puisse être accepté sur des événements végétariens ou vegan, quoi. Et pour moi, c'est juste pas possible. Je peux pas m'allier politiquement avec des gens de la Fondation Barindo qui sont racistes ou fascistes, quoi. Pour moi, c'est juste niette. Pour moi, il y a peut-être 10% du courant végétarien, vegan en France qui est politisé, qui a des idées de gauche ou d'extrême gauche, quoi. Luc Robben et Solveig Serre. C'est quand même très très étonnant de voir également les punks, alors on parlait des nouvelles générations, faire un retour à la terre par exemple, c'est-à-dire quitter les villes pour construire des communautés à la campagne. Il y a des punks bâtisseurs, on en a interviewé, et ce qui est très étonnant, c'est que le punk s'en soit emparé et le fasse vivre de manière assez organisé, parfois de manière un peu radicale, limite même des fois, et que ça nourrisse finalement de manière assez importante le mouvement aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs un segment qui considère pas forcément d'un bon œil les anciens punks, les jugeant justement défoncés. Nous, on a déjà eu pendant les journées d'études des cas clairs de pas de conflit, mais de frottement entre. En gros, il y avait ces deux générations, la deuxième avec crête, cuir, qui buvait pendant la journée, etc. Et puis la troisième, en noir, plus calme, plus straight edge, qui voyait d'un très très mauvais œil, ceux de la deuxième génération, donner une image d'eux que eux n'avaient pas du tout. Finalement, ces générations ne s'entendent pas forcément très très bien. Ici, on est chez moi, à la Haute-Violet, à Orgères, dans une longère que je rénove depuis quelques années. Il y a eu l'idée d'un projet collectif, ça a été très très très long, on a cherché tout ça. Et au final, je me suis retranché sur cette maison, parce que j'ai eu un héritage suite au décès de mon père. Mais pour moi, le collectif, c'est pas forcément toujours le lieu où on vit. c'est aussi de s'investir dans des collectifs avec d'autres gens. Ça peut être ailleurs, ça peut être dans d'autres lieux. Et puis, aux alentours, ça manque pas, en fait. Il y a un lieu à 15 km d'ici, des pareil lieu collectif avec des amis. Il y a pas mal de trucs à Rennes. Du coup, on est à 15 km de Rennes, donc c'est vraiment vite fait. Il y a le squat à Beauvel, le puits qui est à 30 km, où je suis souvent investi pour les concerts et d'autres trucs. Il y a 50 km, il y a la Rouillardière, où c'est des copains qui vivent entre cohabitation et collectif, qui organisent des concerts, qui font du maraîchage, qui fabriquent de la bière, qui font du pain. Et donc, ce qui est intéressant, c'est un peu ces allers-retours dans tous ces lieux-là. Aujourd'hui, pas très loin d'ici, il y a la ZAD, Notre-Dame-des-Landes. Il y a d'autres ZAD en France. Est-ce que c'est aussi un moyen d'exister politiquement quand on est punk, autonome, anarchiste Bah, en fait, ce qui est hyper intéressant avec les ZAD, donc zone à défendre, c'est effectivement c'est des modèles de lutte, des pratiques qui sont mises en place pour résister à un certain nombre de projets inutiles hein, qu'on voit partout. Il y a eu des ZAD contre la ligne TGV Lyon-Turin. Il y a par exemple les gens qui sont sur la ZAD à Bure, qui résistent à Bure. C'est des gens qui à la fois créent un mode de vie alternatif, créent du lien social avec des gens qui à la base n'ont pas grand-chose à voir et pourtant se retrouvent sur des questions de nourriture, de logement, de santé, d'environnement. Comment c'est des questions de base de l'humanité qui touchent chaque être humain, alors qu'on soit punk, anarchiste, autonome ou pas du tout. Je veux dire, on a affaire à ces questions-là. Seulement, justement, il y a des gens qui apportent d'autres formes de pratiques par rapport à ça, qui sont dans une idée non marchande, non capitaliste, et dans des modes de vie qui soient horizontaux, non pyramidal, non autoritaire. Et ces pratiques-là, ça engage sur énormément de choses. Parce que le non-autoritarisme, la non-domination, ça va toucher aussi la question des rapports sociaux de sexe, des rapports de domination, du rapport du genre, du rapport... Ça touche à tous les niveaux. Ce qui est bien dans la ZAD ou les autres ZAD en France, c'est que ça crée des précédents, en fait. C'est toujours bien d'avoir des précédents desquels on peut parler, en fait. On ne peut pas juste citer... la guerre d'Espagne, la révolution espagnole ou Plogoff, ou les vieux exemples, les vieilles luttes. Quoi. Des fois, c'est bien d'avoir des luttes actuelles qui marchent, en fait, qui parfois gagnent. C'est bien d'avoir des exemples de lieux qui ont perduré, de lieux qui expérimentent et qui sont actuels. Parce que quand on a envie de toucher des gens, c'est hyper dur de se baser que sur de l'histoire d'il y a 40, 100 ans, 200 ans... Et sur aussi une litanie d'échecs, quoi, parce que l'histoire de l'anarchisme, c'est ça aussi, c'est plein de révolutions manquées, plein de révolutions tuées dans l'œuf par plus fort que soi. Et du coup, c'est important d'avoir des précédents, quoi. Ça donne envie de continuer, quoi. Guéna et Manu vivent pleinement leur extraction urbaine dans ce retour à une forme d'authenticité où le quotidien devient l'expression la plus parfaite du DIY, tout en restant connectés à un monde dans lequel ils sont force d'alternative. D'autres se radicalisent. Le straight edge devient leur art de vivre, de revendiquer, de se positionner. Les règles communes sont strictes. Pas d'alcool, pas de tabac, aucune drogue récréative, peu ou pas de promiscuité sexuelle et végétarisme. Les jusqu'au boutistes, eux, prônent le véganisme abolitionniste, le communisme, voire l'adoration de Krishna. Le terme, popularisé par la chanson « Straight Edge » de Minor Threat en 1981, va servir d'étendard aux femmes qui vont faire une entrée fracassante dans ce monde indécrottablement macho. Les Riot Girls en incarneront la tête de pont. Si Dada est le premier mouvement artistique à accorder une véritable place aux femmes, qui s'y trouvent considérées à l'égal des hommes, le mouvement punk va clairement débattre de cette différenciation sociale entre masculin et féminin. Après des années de lutte et de rage, la scène punk est désormais aussi celle des femmes. Solveig Serre, historienne, musicologue chargée de recherche au CNRS, et co-dirigeante du projet de recherche PIND, Punk is not dead. C'est une scène dans laquelle les filles, si elles veulent être visibles, sont obligées d'en faire plus. Et donc plus, ça veut dire davantage se maquiller, s'habiller de manière encore plus excentrique et donc jouer avec tous les codes de la féminité pour en rajouter. Il suffit de lire le corpus des textes qui parlent des femmes dans le corpus punk pour se rendre compte Crève salope, je suis venue te dire que tu t'en vas, jusqu'au groupe Viol qui a fait scandale il y a quelques années, qui a été interdit de jouer par la mairie de Paris avec des textes qui étaient à peu près comme ceux de Reich Orgasme, pour voir que quand même la femme a une petite place dans le punk et que quand elle l'a, elle est reléguée au rôle standard de la société civile de domination masculine. Elle fait la caisse, elle sert les bières, éventuellement si elle a réussi, elle est à la basse, parce que la basse est un instrument réputé plus doux à jouer et plus facile d'apprentissage. Donc en gros, c'est un milieu qui recrée tous les stéréotypes de la société contemporaine. Alors c'est sûr, hein, y a des femmes dans le punk, il y a des Riot Girls, etc. Mais elles sont obligées d'avoir une posture extrêmement militante et d'en faire encore plus. D'où cette hypersexualisation qui relève un peu de la même chose, de cette pour exister dans ce monde d'hommes. Je parle même pas des ratios au squat, il y a 2 femmes pour 20 garçons. Donc voilà, donc tout ça pour... pour nuancer quand même le tableau, on parle pas d'un monde qui est facile, et la place des femmes en est quand même un bon exemple. Et alors c'est pas l'apanage du punk, c'est comme ça dans le rock. Je veux dire, le rock c'est une affaire d'hommes, et les femmes elles sont reléguées au rang de groupies, enfin Elvis Presley ou après les Beatles quand on sort, on va dans d'autres domaines, mais enfin la femme c'est la groupie qui s'évanouit devant l'homme qui joue. Alors bien sûr ça existe, les Riot Girls etc, mais c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. On en parle en plus avec la mode du féminisme, et avec le regain d'intérêt pour le féminisme, tout ça, on met l'éclairage sur ce genre de comportement. Mais en fait, il faut quand même pas se voiler la face. Il y a sûrement aussi beaucoup de groupes féminins qui existent, mais qui passent pas le stade de l'enregistrement, qui jouaient, mais qui passent pas le stade de faire un disque, etc. Donc ça reste une zone d'ombre. Liz, ancienne de la scène punk de Olympia, capitale de l'État de Washington. À la fin des années 70, début des années 80, en réaction à ce qu'on appelait les clichés hippies de, je sais pas, les solos de guitare qui duraient 10 minutes, le rock de stoner, des choses comme ça, à la fin, ça a trouvé un nom, c'est devenu ça, mais c'était une réaction à tout ça. On pourrait l'appeler the straight edge. Pour moi, c'était des gens qui étaient végétariens, véganes, qui ne fumaient pas, qui prenaient pas d'héro, qui étaient monogames. C'est presque une racine puritaine. Et l'esprit DIY est revenu, on faisait nos propres vêtements, notre propre musique. Et avec ça, à l'époque, est venue une espèce d'idéalisme des années 50, l'idée d'un punk rock en bonne santé, straight edge, sain. Et on pouvait encore trouver à l'époque des habits des années 60. J'avais tellement de robes de bal de promo, je suis même pas allée aux promos de mon école, mais on pouvait les acheter $3 à l'Armée du Salut. Et il y avait des filles qui faisaient de la cuisine, des tartes, des gâteaux maison, et c'était en ligne avec cet idéalisme des années 50, mais il y avait de la subversion en même temps. Il y avait un peu d'ironie. Il y avait une couche d'ironie, c'est sûr, et plus tard, cette idée de Riot Girl, un mouvement auquel j'ai participé aussi, tout ce que j'ai décrit, cet aspect très féminin, on formait un groupe, on cuisinait, mais si on peut faire un gâteau, on peut aussi faire une bombe. C'est sûr qu'il y avait une espèce de conservatisme un peu bizarre sous-jacent. Alors c'est intéressant cette réaction contre les hippies, avec cette exultation de la culture américaine, ce que certaines femmes dans cette scène appelleraient des Riot Girls de première génération. C'était des robes de bal de promo, la cuisine, mais aussi prendre une guitare, hurler dans un micro. C'était une subversion de tout ça à l'intérieur de cette culture soi-disant straight edge. Subverting that all along those straight edge, so-called straight edge scene. Can't stay at home, can't stay at school. Manon Labrie, docteur en civilisation nord-américaine, auteur de Riot Girls, chronique d'une révolution punk féministe. Il est clair que il y avait beaucoup plus de femmes actives dans les scènes américaines et anglaises que françaises. En tout cas, pour ce qui est des Riot Girls, le mouvement il a très bien pris en Angleterre aussi, même s'il venait des États-Unis. Et je pense qu'en termes de proportion, on doit être à peu près dans les mêmes chiffres. Alors, les Riot Girls, comment elles se constituent? Pourquoi elles se constituent et comment elles s'organisent? Pourquoi elles se constituent? Parce qu'elles sont frustrées par les scènes qu'elles fréquentent. Globalement, c'est des milieux qui sont devenus assez violents, avec des pogos. Enfin, il y a des témoignages là, de l'époque des premières Riot Girls qui disent que c'était devenu des scènes difficiles à fréquenter physiquement, quoi. Alors, géographiquement, ça commence en tout premier lieu à Olympia, qui est une ville du nord-ouest des États-Unis, à une heure de Seattle au sud. Et à cette époque-là, c'est une scène vraiment vibrante, tout le nord-ouest, hein, de Seattle jusqu'à Portland, en passant donc par Olympia. Olympia et le nord-ouest de manière générale, c'est un vivier, quoi. Et c'est le terrain de plein d'expérimentations. C'est des scènes qui font pas du tout le choix du commercial. Donc des fois, des choses difficiles à entendre, des trucs très minimalistes, pas léchés du tout, qui sont le fruit de leur obédience au DIY, do it yourself. Et donc Olympia fait partie de ces villes où la culture musicale tient vraiment le haut du pavé à ce moment-là, à la fin des années 80. Et donc ces jeunes olympiennes, elles vont commencer à s'identifier à travers la production justement de fanzines, parmi lesquelles on compte Jigsaw, qui vont être le vecteur de correspondance et puis finalement le moyen de s'identifier dans les soirées, dans les concerts, etc. Et puis elles vont s'associer pour créer des groupes et continuer à créer d'autres fanzines. Donc on a vraiment une poignée de protagonistes au début, hein. Il y a les gens qui vont constituer le groupe qui s'appelle Bikini Kill. Et il y a deux jeunes femmes de Eugene, dans l'Oregon, qui font fréquemment le voyage vers Olympia et qui vont finir par constituer le groupe qui s'appelle Bratmobile. Et ça va devenir voilà les toutes premières protagonistes de ces réseaux. Ensuite, il y aura d'autres gens comme Corinne Tucker, qui finira par fonder très peu de temps après Evans to Betsy. Alors, il y aura ce pôle Olympia, mais ça va aussi se constituer en parallèle à Washington D.C. Donc, à Washington, c'est la culture hardcore, straight edge, qui est vraiment en place déjà depuis une décennie, qui est plus politique. Et elles vont trouver là, au terme notamment de tournée, le second pôle dans lequel continuer à s'organiser. Autant Olympia aura fourni l'espèce d'attitude décomplexée, DIY, pour oser faire le premier pas pour s'exprimer et pour chanter, parce que souvent c'est des gens qui n'ont pas pratiqué la musique du tout. Autant Washington va leur permettre aussi de développer des stratégies pour s'organiser et pour ramifier, pour essayer de contaminer, on va dire. Et donc à Washington, où se retrouvent les Olympiennes du départ au terme d'une tournée, en 91, c'est là qu'elles vont commencer à organiser des réunions, enfin des sortes de groupes de conscience féministes, pour essayer de trouver des moyens d'atteindre des jeunes femmes partout dans le pays. Puis c'est une époque où il n'y a pas Internet. C'est quand même des scènes assez confidentielles et leur but étant de faire une révolution girl style, puisque c'est leur slogan. Il faut aussi trouver des moyens d'atteindre d'autres jeunes femmes ailleurs. Donc au début de l'été 91, elles commencent à créer ce fanzine qui s'appellera Riot Girl et qui va finir par donner le nom au mouvement. Et puis, ça va hyper bien fonctionner grâce au bouche à oreille, mais aussi grâce à une couverture médiatique relativement mainstream. Ça va faire très vite boule de neige. Et puis, petit à petit, des collectifs vont se créer un petit peu partout dans le pays. Des collectifs, des groupes, des fanzines, des correspondances entre jeunes femmes, voilà, et c'est comme ça que ça part. Et il y a un grand écart entre l'époque à 13 ans au CBGB où un homme mettait ses mains partout, s'appuyait sur moi, à une époque où on trouvait sa place, on pouvait faire un pogo aux côtés des mecs, et puis après un groupe, je me souviens, au début des années 90, Fugazi, arrêter tout un concert juste pour que toutes les femmes se mettent au premier rang pour qu'elles puissent voir le groupe, ou si une femme se faisait harceler, ils arrêtaient tout concerts, ils criaient, ils mettaient la personne en lumière. Et ça s'est arrivé récemment aussi, on en a parlé, avec tout ce mouvement Me Too et tout ça. Mais pour en revenir au Riot Girl aussi, et cette idée de participation des femmes, au milieu des années 80, c'est une longue histoire, mais j'étais au Royaume-Uni aussi, et je participais à un collectif de femmes qui s'étaient rassemblées pour plein de raisons, mais une de ces raisons, c'était le harcèlement, les abus sexuels. Et moi, je venais d'Olympia, de la scène punk de la côte est des États-Unis, et là, j'étais à Londres, et c'était avant la deuxième génération des Riot Girls, et les femmes disaient, si tous les gens qui ont vécu ça fondaient un groupe, on nous appellerait Riot, Riot Women, les femmes de l'émeute, on va lancer une émeute, une révolution. Moi, ce que je voulais dire, c'est que c'était dans l'air du temps et j'ai l'impression qu'il y a des gens à qui on attribue l'origine et dans l'absolu, on s'en fiche, mais c'était vraiment dans l'air du temps. Moi, je voyais ça en parallèle en me déplaçant d'un pays à l'autre et une chose est sûre, c'était que ça, il y avait cette remise en question et l'utilisation de la musique comme forme d'expression impliquant les femmes à l'époque, qu'on les entende à la radio ou pas. Il y avait des groupes avant Mambo Taxi, avant les années 90, qui utilisaient les mêmes paroles. Riot, l'émeute, la révolution, pas girl power. Ça, c'est quelque chose qui a été utilisé par la deuxième génération de Riot Girl et qui a été coopté par les Spice Girls, qu'on observait à l'époque. Mais quoi qu'il en soit, c'était intéressant. Il y avait des mouvements parallèles dans les deux pays au même moment et on n'en parle pas beaucoup. On n'écrit pas grand-chose à leur sujet non plus dans toute cette littérature sur le Riot Girl. Le mouvement étiqueté Riot Girl, il est souvent réduit aux années 90-95, mais il va se passer pas mal de choses après aussi, dans la même perspective, dans la même lignée, qui vont poursuivre cette forme de féminisme DIY, punk. Alors je pense aux Ladyfest au début des années 2000, qui sont des festivals féministes la plupart du temps autogérés. Le premier aura lieu à Olympia. Mais c'est un concept qui est destiné à voyager, donc il y aura 200 de ces festivals qui vont se tenir en une décennie à peu près. Il y aura aussi des initiatives comme les Girls Rock Camp, qui sont des sortes de colonies de vacances pour jeunes filles, où on leur apprend à jouer en groupe, même s'ils n'ont jamais pratiqué de la musique, où il y a aussi des ateliers d'estime de soi, d'autodéfense, de culture féministe, de culture musicale. Voilà, il y a des initiatives comme ça, on peut même penser aux Pussy Riot plus tard, qui se sont aussi réappropriées ces idées pour en faire quelque chose de nouveau. C'est un mouvement révolutionnaire, c'est un mouvement de lutte, c'est un mouvement de combat? Oui, ça l'est, mais peut-être pas en des termes... disons qu'elles veulent une révolution féministe, elles veulent une révolution anticapitaliste, mais elles ne l'envisagent pas traditionnellement, c'est-à-dire que c'est pas l'idée d'un soulèvement subi et d'une mise à sac immédiate. L'idée qui est derrière leur concept de révolution, c'est que cette révolution, elle sera patiente et elle passe par l'addition de révolutions individuelles. En passant par la prise de parole, en passant par la création, on multiplie et on signifie des révolutions individuelles. Et l'addition de ces révolutions individuelles fera que la société va changer. C'est l'idée très DIY derrière que, ben, une fois qu'on a le courage, quand on est une population qui est plutôt incitée à se taire, de prendre la parole, ça signifie qu'on ne fait plus entièrement le jeu d'un système qui nous fait taire ou qui nous met en dessous. Gail Something Else, chanteuse du groupe punk Muddy Summers and the Dirty Field Hoes, et organisatrice du Sisterfest. It is a fight. It's not. It's C'est une lutte. qu'en vaut vraiment la peine aussi, mais c'est un défi maintenant, et c'est pour ça qu'un de mes festivals s'appelle Centennial Sister Fest. C'est que des femmes ou des groupes menés par des femmes pendant 3 jours, parce que les hommes qui organisent les festivals, en général, n'incluent pas du tout les femmes et disent... Ils n'organisent que des concerts avec des hommes ou peut-être une femme représentative au violon, je sais pas quoi. Et les femmes musiciennes, surtout dans cette scène, je crois que c'est partout, mais surtout dans cette scène, ça me semble injuste parce que à la base, dans les scènes anarchistes, les scènes punk, on est censé promouvoir l'égalité. Et moi, j'essaye de montrer ça et de rendre ça plus facile pour que les femmes viennent en avant et se disent « Moi, je fais de la musique, j'ai quelque chose à dire. » Ou « J'ai écrit un poème. Je peux pas m'exprimer parce qu'on me rejette, parce que je suis pas un homme. » J'ai commencé avec un jour pour les femmes, le samedi, pendant un autre festival. Malheureusement, les hommes se sont grimés en femmes. Alors, il a fallu que je me contrôle un peu, que je ne mette pas trop en colère. C'est juste pour mettre en lumière qu'il y a un tel déséquilibre. Je ne sais pas comment c'est dans les festivals dans d'autres pays, mais au Royaume-Uni, c'est sûr que même des festivals comme Glastonbury sont totalement dominés par les hommes. Et je sais qu'il y a des femmes incroyables qui font de la musique parce que moi, je les fais jouer. Et si moi, je peux remplir 3 scènes pendant 3 jours, avec que du talent féminin extraordinaire, qui n'ont pas sorti de disque. En plus, il n'y a pas de raison pour faire autrement. J'essaie juste de prouver qu'il y a tellement de femmes incroyables qui font de la musique et on les rejette parce que le sexisme est bien vivant dans cette scène. Et c'est ce qui m'a inspiré et je vais continuer à le faire jusqu'à ce qu'il y ait un vrai changement. Je vais continuer à en parler aux promoteurs, je vais continuer à faire jouer ces femmes. Il y a des jeunes qui m'envoient des messages et qui disent « On t'envoie un message parce qu'on ne peut pas nous faire jouer autre part, parce qu'on est des filles. On n'est pas obligé d'arriver à 50-50, on n'est pas obligé d'arriver à la parité, mais au moins 30 ou 40% des groupes, lors de n'importe quel festival, devraient comporter des femmes. Pourquoi pas ? Les femmes jouent aussi bien que les hommes, chantent aussi bien que les hommes, écrivent des chansons aussi pertinentes que les hommes. Et toutes ces personnes qui ne se conforment pas à un seul genre, et je sais qu'ils peinent à trouver leur place, on les aide aussi. This year she will celebrate her 90th birthday. Soon there'll be another vile display of Union flags everywhere and foaming patriots. I hereby duly crown her Queen of the Bigots. The Queen is all fur coat and incontinence knickers. Figureheaded parasites, the only title right to give her. There'll be no tears from me when her ticker finally gives out. Shame their rights won't die with her. Shove your little bit of cake. How much, for God's sake? Shove your little bit of cake. The Queen is all fur coat and incontinence knickers. Figurehead of parasites, the only title right to give her. There'll be no tears from me when her ticker finally gives out. Shame their rights won't die with her. Finally gives out. Shame their rights won't die with her. Alors parlons un peu de votre musique, vous avez des chansons au titre éloquent, on y parle de train fasciste, on y parle des seins des femmes. La musique est, c'est un peu du folk, du swing et du punk, c'est ce que c'est devenu en tout cas. J'écris des rimes et depuis mon enfance. Ça fait que 7 ans que je chante, je crois, et je suis sûre que toutes mes paroles parlent d'égalité, sont contre le système, comme cette chanson sur les nichons. Quand j'ai envoyé ma première démo, c'est devenu viral. J'espère que c'est pas que parce que j'ai montré mes seins, qui sont pas si réjouissants aujourd'hui, mais toute cette idée que si on est bien fait de sa personne et un homme, on peut enlever le haut, personne ne vous regarde. Si on est une femme, on ne peut pas faire ça parce qu'on nous a objectifiés pendant si longtemps. Et moi, si j'ai trop chaud, moi j'aimerais pouvoir juste retirer mon t-shirt, montrer mes seins et je ne veux pas que tout le monde me regarde. Et plein de gens me disent, bah, c'est complètement idiot, mais si on le faisait juste comme ça, si c'était devenu un truc, ça deviendrait si normal et ça aiderait à lutter contre l'objectification de la femme. Est-ce que c'est un message que vous pouvez tenir dans les médias anglais, par exemple ? Est-ce qu'on vous invite dans les médias ? Est-ce que vous avez, en dehors du festival que vous organisez, les moyens de diffuser tout ça ? Vraiment, non, juste les festivals de terrain, de base. J'y parle ouvertement et plein d'autres personnes. Je parle de choses comme ça parce que j'ai créé un environnement pour ça. Et on a plein de personnes nomades, SDF, des prolétaires aussi, mais même aussi des comptables, des juristes. C'est un super mélange de personnes qui viennent de milieux différents, qui ont tous une chose en commun, ils veulent qu'il y ait un changement, ils viennent au festival, ils échangent des idées. Et il y a eu beaucoup de projets qui sont nés après, venant de ces choses, aussi l'antifascisme. J'ai créé une plateforme pour en parler. Mais cette plateforme a existé de façon plus basique pendant longtemps. Aujourd'hui, on est arrivé à un stade où des gens qui n'en parleraient jamais, parce qu'ils viennent d'un certain milieu social, des gens qui aujourd'hui se sentent libres d'en parler, ils comprennent et ils ont plus de respect. Et oui, je crois que c'est ce dont je suis le plus fier. Le Sisterfest, on accepte les hommes. Les hommes ne sont pas interdits. Il y a des hommes dans les groupes. Les hommes m'ont accusé de sexisme. Mais des femmes du côté des ultra-féministes m'ont aussi dit que je ne devrais pas accepter d'hommes. Et moi, je me dis, bon, attends, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'égalité. On n'exclut pas un genre entier, on n'exclurait pas de race ou d'âge ou une couleur de peau, quelle qu'elle soit. On n'exclut pas les gens si ce qui nous intéresse, c'est l'égalité. Et moi, je ne m'appelle pas vraiment féministe en tant que telle parce que l'aspect le plus bruyant du féminisme en ce moment, pour moi, n'a pas vraiment l'air d'essayer d'atteindre l'égalité. Raised eyebrow, but equality for me isn't striving to be all the same. It's about peace and tolerance, not the divide and conquer game. I respect your personal boundaries, but I don't see the borders inflicted by the powers that be. And the only orders that I am interested in are those on the line at port. Who is playing where and when, which stage to head towards, 'cause I'm a dirty field whore. Dirty field whore. Punk, génération de futur, néo-punk et féministe. Avec Arnaud Futur, Solveig Serre, Luc Robben, Manu, Guéna, Manon Labrie, Lise, Géant Vert, Jacques Soulier, Simon Leroulet et Gail Something Else. Archivina, Sophie Enoch. Traduction, Claire Simon. Avec la voix de Laura Benson, prise de son Alain Joubert, mixage Pierre-Henri, réalisation Assia Khalid, coordination Perrine Kervran et Marivonne Abolivier, un documentaire d'Alain Lefkovitch pour la série Documentaire. That just makes me wanna shake you and drag you to the fields, cover you in glitter and see what yields. 'Cause I'm a dirty field whore, and I know what I'm living for. Yeah. with dirty field holes. Misfits gathering outdoors, come rain, some mud, warm or cold, just like we did in days of old. We are dirty field holes. Anarchiste, punk, quepon, écolo, féministe, batteur, guitariste ou zadiste, LSD, c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter à Notre-Dame-des-Landes, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Bonne Abolivier, Mathias Mégy et Anise Signoret. Vous pouvez nous podcaster sur toutes les plateformes et nous suivre sur la page Facebook de France Culture, sur Twitter, LSD Série Doc, et même sur Instagram, LSD, la série documentaire, on attend vos messages.